un saut. Juste envie de courir le monde. Je ne veux pas rester là, seul à suivre le fil de l'eau. Il pourrait tout casser, me laisser juste un passage. Je voudrais, s'il vous plaît, monter à tous les étages. Je me faufile sous vos yeux, mais mon Dieu, quel est courage. J'ai la rage, j'ai le feu, mais que ce monde est beau, sauvage. J'y arrive de murailles devant moi. Je voudrais crier, je voudrais hurler, mais personne ne me comprendra. Je ne baisserai pas les bras. Je veux aller où tu vas, pas si vite, je ne peux pas marcher sur tes pas. Là, envie de courir le monde avec.